Venez dans le caractère. Ne regardez pas au nombre, c'est la parole. Nous disons amen. Il y a eu des faux prophètes, il y aura aussi des faux prophètes. Oh mes chers amis. Linga. Dans Actes des Apôtres chapitre 28, 20, nous voyons encore un avertissement que Paul donne à l'église. Il dit ceci, verset 29 et 30. J'espère qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Les loups cruels, c'est ce que Jésus-Christ appelait les loups ravisseurs. De faux enseignants. De faux prophètes. Faux docteurs. Faux apôtres. Que Dieu nous garde de tout cela. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Quand il est dit s'introduire, c'est qu'il nous donne une vidéo dans l'assemblée. Pour dire ça avec l'église. De l'eau cruelle qui n'épargnera pas le troupeau. Et ce n'est pas fini. Il n'en viendra pas que du dehors. Le danger nous guette même du dedans. Même ceux que nous considérons comme les nôtres. Ayez le caractère de la parole. Vous jugez même les nôtres. Êtes-vous là? Ne soyez pas fanatique pour dire, oh, il y a ça église. À quoi vous allez sauter? Qui a dit que c'est pas ça l'église, la bino que la faute. Parole le lobby, a voulu le faire le melon la bino, mais il y a faux. Qui dit amen. Amen. Qui célébrera des milliers de vous. Amen. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Bankoina yaoli bakokota kati na bino pe bakotika etonga te kati na bino penza pe mibali bakotelema kolakisa mateo na kokosa ete babenda bayeko nsima na bango yango wana ezali pe yango wana ekozala nzambe abatela biso na yangoasunga biso amen, amen. Amen. Si tu peux prendre une citation ici, dans le sermon Le Dieu des sept âges mauvais. Le Dieu des sept âges mauvais. Où Frère Branham nous met en garde encore. J'espère que vous allez apprécier cette pépite. Ça va nous aider. Parce que nous devons des fois mou et paresseux pour ne pas faire le travail que Dieu nous demande. Au lieu de ne fuyez pas votre responsabilité. Vous devez l'assumer. Amen. Faites ce que Dieu attend de vous. N'est-ce pas bon? Amen. Bien vrai. Le Dieu de cet âge mauvais. Qu'est-ce que dit Frère Branham? Prêché le 1er août 1965. Il y a quelque chose là. Lire. Au paragraphe 34. La semaine dernière, dans Matthieu 24, c'était l'âge le plus trompeur de tous les âges. De tous les âges de tromperie, depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu un âge aussi trompeur que cet âge-ci. Est-ce que vous prenez cette déclaration au sérieux? De tous les âges de tromperie qu'il y a eu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. De tous les âges, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu un âge aussi trompeur que cet âge-ci. Et Matthieu 24, verset 14, il célébrera de faux prophètes. Et nous opérerons des signes et des prodiges. Afin, s'il était possible de servir même les élus. Voyez. Or, simplement des églises froides, formalistes, apostées. Et tout le reste. Basé sur une théologie faite de maintenant, ça les élus ne prêteraient jamais attention. Mais c'est presque, c'est là où presque, ah, voilà, la traduction ici pose problème. C'est presque comme la chose véritable. Laissez juste un mot de côté. C'est tout ce que vous avez à faire. Promis pour cet âge un temps très important. On me dit chrétien partout. Prenez garde à l'heure où nous vivons. Notez. Lisez. Et écoutez attentivement. Mais le frère de Suisse avait bien traduit ça. Vous voyez, quand on lit les phrases ici, vous cherchez le sens pour saisir. Qu'est-ce que la version de Suisse disait? Elle n'est pas à ces églises froides et formalistes, nourries de théologies faites de maintenant, que les élus de Dieu auraient à se laisser prendre. Mais où est-il le danger? Ce n'est pas auprès de ces églises froides là. Et formalistes qui se nourrissent de théologies humaines. Là, n'importe qui peut facilement parler. Légalement, il a faute. Mais il dit, c'est plutôt là où ce que l'on voit est presque identique à la chose véritable. C'est là qu'il faut faire attention. Le vrai et le faux, presque similaire. C'est là où vous devez faire attention. Que l'ennemi peut vous avoir facilement. Parce que les apparences sont trompeuses. N'est-ce pas que nous le répétons? Ne regardez pas au dehors, mais éprouvez les esprits. Et pour éprouver les esprits, nous devons utiliser le test de la parole. Soumettre les esprits à l'épreuve de la parole. Sans quoi ça ne marchera jamais. Dans Jean chapitre 7, le verset 24, Dieu nous apprend à juger. Il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Notre base de jugement ne doit jamais être les apparences, mais nombre de choses qui frappent les regards, mais utilisé comme étalons messieurs la justice de Dieu. Ce que Dieu considère comme juste, prenez ça comme référent pour tester n'importe quoi. C'est amen. Maintenant, le problème est que plusieurs ne veulent pas appliquer 1 Jean 4 verset 1 pour des raisons que j'ai évoquées tantôt. L'une d'elles, c'est quoi? Oh, Dieu a dit, ne touchez pas mes oies. Et Psaume 105, le verset 15. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Laissez-moi vous dire aussitôt, aucun vrai prophète de Dieu n'aura mal à passer par l'épreuve. Car l'épreuve est nécessaire. L'épreuve de la parole est importante. Ce sont des moments durs et délicats, mais ça nous aide à faire tomber les qualités. Amen. Le prophète Branham lui-même dit, j'aime être remis en question afin de pouvoir enfoncer mes racines et rassurer ceux dont je parle. Il aimait être remis en cause. Il aimait qu'on l'efface. Ne voyez pas ça du mauvais oeil. Le preuve de la parole est nécessaire. Mais le problème, c'est que celui qui éprouve, il utilise quoi pour le faire? Il faut utiliser la justice. Amen. Dans Matthieu chapitre 7, une autre raison que d'autres aussi évoquent pour ne pas juger. Alors que Dieu a dit de juger. Le Seigneur Jésus a commandé de juger, vrai ou faux? Voilà, lui dans Matthieu et dans Jean 7. Là. Il a ordonné de juger ou de ne pas juger. Il nous apprend à ne pas juger selon l'apparence. Il interdit à ses enfants de ne pas se fier aux apparences comme on passe des enfants. Regardez le nombre, regarder l'apparence d'un chrétien. Oh, ben, il doit être un chrétien, il est dans le milieu. Non, ce n'est pas le dehors. C'est l'intérieur. C'est l'esprit qui est au-dedans. Ou les esprits qui est au-dedans. Mais il y a autre raison qui est évoquée par certains. C'est Matthieu 7 ici. Le verset 1 et 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Est-ce que la Bible se contredit? D'abord, elle ne se contredit jamais. Et même le Seigneur qui a dit ne jugez pas selon la parole. Il a dit jugez selon la justice. Mais là, il dit ne jugez point. Est-ce qu'une contradiction dans la Bible? Non, il faut plutôt saisir dans quel sens il a pris. Quand vous venez au procès de Dieu aux Écritures, c'est là que vous mettez la contradiction. Mais c'est ce passage dans son vrai contexte. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Voilà le problème. Certains jugent sur base des apparences. Et c'est faux. Ils utilisent comme critère de mesure une personnalité. Non, une personnalité. Ou des personnalités. Ils prennent les hommes comme base de jugement pour juger les autres. Quand vous voulez juger les gens, n'utilisez pas un homme comme critère. Le Seigneur a dit d'utiliser la justice comme base. Mais ici, il y a des gens hypocrites. Ils utilisent n'importe quelle mesure. Dans tel critère, peut-être que c'est juste sa connaissance. Au lieu d'utiliser la vraie justice, non, il utilise sa connaissance comme base de jugement. Oh, Dieu ne nous a pas appris à juger les autres sur base de ce que nous connaissons. Parce que nous connaissons en partie. Amen. Nous utilisons la parole elle-même. Non pas notre connaissance. Ou une personnalité déterminée. Loin de là. Bongoté. Ce genre de mesure libérale comme ça. Utilisé par les hypocrites que Jésus dénonce. Ne soyez pas des hypocrites religieux. Dans le serment, la communion par la rédemption. Grand Branham a dit une chose, je vais vous rappeler, mais qui est révoltante. La communion par la rédemption. Je voudrais retrouver ça. Ok, c'est prêché le 3 avril 1955. Le paragraphe 77. À 78. Non, 77, 78, 79, 80. Alors il est dit ceci. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Et le sel ne peut servir d'agent conservateur. Et s'il entre en contact avec cette terre qui est en train de se corrompre, de se pourrir. La terre est en train de se corrompre, de pourrir. Vous le savez. Et le sel doit entrer en contact avec la terre. Sans quoi, celle-ci sera ruinée. Eh bien, il y a quelques semaines, à Chicago, j'ai été vraiment transporté de joie quand j'ai vu, vous savez, la parole de Dieu confirmée comme étant la vérité. Les hommes et les femmes doivent revenir à la parole. J'ai passé pratiquement tout mon temps en Californie, après avoir vu s'élever tant de cultes, bien de différentes choses, tant d'histoires qui n'étaient pas de Dieu. Le Brunet m'a passé des semaines là-bas en Californie. Et il a vu le culte s'opérer, des histoires, tant d'histoires, et différentes choses. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour critiquer ce. Je ne suis pas ici pour essayer de prêcher l'évangile. Mais quand vous voyez tant de choses s'élever par la flatterie, écoutez, et des ministères basés sur des personnalités, des gens qui prêchent parce qu'ils sont en bonne relation avec telle personnalité populaire, basé sur des personnalités. Il y a des gens qui s'accrochent aux célébrités, aux hommes populaires, pour se faire aussi et non. Mais alors, vous allez vous tenir sur les sables mouvants. Vous allez vous tenir sur les sables mouvants. Un ministère doit être totalement et entièrement édifié sur le Seigneur Jésus-Christ. Virgile, la Bible. Peu importe les nouvelles choses qui surgissent. Un ministère doit être édifié sur quoi? Sur le Seigneur Jésus, virgule, la Bible. Est-ce qu'on a dit sur William Branham? Non. Sur les balles de Franck? Non. Mais vous trouvez des milliers de gens qui font opérer leur ministère basé sur ces deux personnalités. Vous trouvez des prédicateurs qui, pour prêcher, il faut le nom de Branham. Ou celui de Franck. Les lettres sur qui l'est. Sans ça, leur ministère ne contient rien. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il n'aura jamais parlé pour les envoyer. Ils n'ont aucune expérience consistante avec le Seigneur. Qu'ils peuvent vous raconter et qu'ils peuvent vous raconter. Tout ce qu'ils ont, l'expérience d'appartenance à une assemblée, à plusieurs assemblées, et des histoires déjà. Après, il a fait un voyage Il y a personne digne. Lui il est arrivé vraiment. Il a touché la chair où Branham prêchait. Voilà l'expérience qu'il a pour prêcher. Il a été à Jérusalem. Il a eu la grâce de visiter la tombe de Jésus. Des histoires mortes comme ça. Où il a été à Crépin. Vous n'avez rien à voir avec le Père. Je pense que le missionnaire l'a donc fait. Quand le Seigneur avait parlé à Père Franck. On pourrait rien à dire pour Franck. Lui, il a coulé ses pieds là-bas. Il y a ça qui m'a coulé. Quel sentiment étrange. Voilà. Pour ça, il n'a rien à dire pour Franck. Voilà. Mais qu'il nous dit, lui est Jésus-Christ. Quelle témoignage, quelle histoire. Les quatre lignes, les colonies, les quatre navangos. Toujours quand nous étions Crépelle, on est allé avec le frère Franco. Dans le voyage missionnaire à Lubumbashi. Et puis nous sommes allés là-bas à Paris. Et puis il y a eu beaucoup des enfants de Dieu qui ont cru. Quand il a prêché, il y a eu 20 personnes qui ont été prises. 20 personnes qui se sont avancées. Mais toi et Christ. Dites-nous l'expérience différente en Christ. Rien du tout. Au long du jour, quand j'avais fait le rêve, d'ailleurs, ma femme a confirmé ça. Moi, la parce que le spirituel, vous savez, c'est la femme qui confirme. Ce n'est pas la parole qui confirme, mais la femme. La femme est prédicatrice. Moi, c'est pourquoi on doit ensorceler l'église jusqu'à ce moment? Les gens doivent revenir à la parole. Utiliser la parole comme mesure et moyen du texte. Vous ne pouvez pas utiliser un ministère comme critère pour juger notre ministère. Parce que ministère ne doit pas être basé sur une personnalité. Aujourd'hui, vous trouvez ces aventuriers qui prétendent connaître la Bible. Mais ce sont des menteurs. Ils vous disent que si une assemblée ne met pas la connexion de Crépelle, c'est une assemblée de ministère. Bon, cette affirmation est tirée de quel verset? On dit oui, ça va, on a dit la Bible. Bien, allons même dans notre message. Où est-ce que le prophète a donné un tel critère? Et pas il va qui nous a fait la paix, le ministère, il a donné la connexion de Crépelle de chaque fait du monde. Et c'est il y a quand même la boca Crépelle dans Souka Sanzanyoso. Ils peuvent vous réciter la Bible comme des perroquets. Ça ne fonctionne pas. Satan aussi récite la Bible. Satan a besoin de la Bible à faire. Mais ce qu'ils défendent là, ça n'est où j'en ai pas. Ce sont des mensonges. Donc, lorsque une assemblée comme la nôtre ici, si chaque fait des mois, il n'y avait pas la connexion de Greffel, la prédication de faire pour la cabinette, donc il n'y a pas de ministère ici. Cette chose-là est écrite où? Je vous dis, nulle part. Mais il y a des gens dans cette ville qui soutiennent ça comme critère de jugement des ministères. Oh, un homme peut dire que Dieu lui a parlé et tout ceci. Tant qu'il n'est pas connecté à Frère Franck, donc il n'a pas de ministère. La connexion Frère Franck, c'est encore le verset biblique là-bas. Des ministères et des églises basées sur des personnalités. Mais un vrai ministère, c'est sur la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lavez-vous dans cette église? Entendez-vous parler de lui? Entendons la Bible pour l'ensemble? Est-ce que le message est clairement prêché? Est-il fidèlement prêché? Qu'est-ce que Dieu fait? Écoutez, 1 Timothée 4, le verset 1 à 3, parce que les démons sont à l'œuvre dans les gens. Et ils croient toujours critiquer les autres comme si c'est eux qui ont des démons. Pendant qu'eux-mêmes sont aussi des démons. 1 Timothée 4. Commençons le verset 1. À 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Moi, je n'ai pas le droit de tango na suka ba mosusu ba kopengwa longwa na kondima pona kobila milimo na kozingi tape mateo na milimo mabe. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Pona bokosi na bato na lokuta lisoso na bango wana bisili kozika. Mes chers amis, Balinga, pendant que Dieu parle à ses bien-aimés, il leur recommande de juger selon la justice. Il leur ordonne d'approuver les esprits. Regardez la prophétie ici pour notre part. Plusieurs abandonneront cette foi-là. C'est la foi que la Bible enseigne. De juger selon la justice et d'éprouver les esprits. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils s'attacheront à ces esprits-là. Qui sont des esprits trompeurs, séducteurs. Ils s'attacheront à des doctrines des démons. Vous voyez les catégories au temps de la fin? Dieu parle à ses bien-aimés. À ses enfants élus. Leur montrer l'importance de la vraie parole. De se maintenir dans la vérité. De ne pas dévier de là. Mais de juger selon la justice. D'éprouver tous esprits. Avant de dire qu'il vient de dire ou non. C'est pas la foi apostolique. C'est pas la foi biblique. Mais plusieurs abandonneront cette foi. Et c'est déjà accompli. Dans le monde d'aujourd'hui, plusieurs n'éprouvent plus. Au contraire, ils sont attachés à leur système. Attachés aux esprits séducteurs. Attachés. Qui leur disent des mensonges et leur contrôlent des mensonges et ils y croient en dehors de cela et ils ne peuvent rendre service à Dieu qui s'attendent à aller au ciel au moment de la mort. Et ça séduit. Voilà, vas-y, dit ami. Bien-aimé, revenez à la parole. Mon frère, ma soeur, revenez à la parole. C'est la parole qui est notre salut. L'amour de la vérité seul nous sauvera. Ne vous mettez pas en difficulté comme ça. Ne suivez pas les mouvements de flatterie. Maintenant, plusieurs en disant même toutes ces histoires, connexions avec les frères et consorts, on trouve finalement à la chair plusieurs personnes qui se mettent à prêcher la Bible. Mais c'est à cause d'un système diabolique qui élève un individu au-dessus de tous les prédicateurs. Système diabolique. Alors ça donne le faveur à n'importe qui de partager. Même sans commission. Même sans appel. Tellement parce qu'il reconnaît le serviteur. C'est diabolique. Amen. Vous devez attaquer ces choses et les yeux ouverts. Moi frère, je n'ai pas peur de dire la vérité. Amen. Que ce soit impopulaire ou non, ce système-là est diabolique. Qui amène des individus à la chair sans appel, mais qui les applaudissent simplement parce qu'ils soutiennent Mathieu 24. Très disciple. Nous nous soutiendrons la vérité. Vous savez comment maintenant ça se développe? Parce qu'ils se sont applaudis comme ça entre eux. Ils ont maintenant tendance à ne plus reconnaître que Dieu peut parler à un autre serviteur Ivan de Franck. Et si quelqu'un vient avec un témoignage que Dieu lui a parlé, lui a donné une minute. Oh non, c'est du diable. Dans ce temps ici, Dieu ne peut parler qu'à faire ça. La pelle par vos Il n'y a que frère. Vous allez où dans la parole de Dieu? Vous allez où dans la parole de Dieu? Nulle part. Pas mon côté. Frère, quand vous vous tenez sur la parole, ça vous permet de voir les hérésies à côté de vous. C'est ce qui porte les autres. Mais laisse-moi le plus grand ciel d'une seule journée. Il trompe la Bible ouverte. Il dit qu'il est le mensonge au nom de la Bible. Voilà pourquoi il ne veut pas nous donner la chair d'Adam. Il dit qu'il va te mourir. Les hommes même avant sont là-bas d'Urban dans la publicité. Mais quand on a eu un temps d'entretien, et que nous avons parlé librement des affaires en montrant la faussité là où il y en a, je vous me demander, est-ce que vous mettez la connexion à la fin du mois? J'ai dit quelle connexion? Du Saint-Esprit? Oh non! Oui. Mais de quoi? La connexion, ça ne vous dit rien. Bon, je parle que c'est l'esprit, non. La connexion est l'esprit. Oh non, pas ça. C'est le Saint-Esprit, bon, c'est vague. Et d'ailleurs, depuis que le Saint-Esprit est devenu vague. Vous êtes en train de vous dire que les démons s'en parlent des gens. Tant qu'on va dire qu'on n'a pas dit tout ça partout. Ils ignorent même les vérités. Après, vous dites, oh non. Mais est-ce que vous partez aux réunions de l'Afrique? J'ai dit, c'est une machine charnelle qui est mise en place. Ils allaient ça, les réseaux, ils sont mis en place. Qu'est-ce qu'il y a top de lui? Il parle, il y a peut-être une diplomatie. J'ai dit, c'est charnel. Vous allez faire les réseaux. Ça ne continuerait même pas. Et vous pouvez dire. Mais vous êtes là à prédire le mal. Vous pourquoi ça va? Et nous allons pour vous, n'aïe, comme un peu de l'initiative. D'ailleurs, frère, Mais quand il s'en va là, vous ne comprenez pas la question. Je n'ai pas de problème avec le frère. Je vous dis seulement que ce qui s'est fait là-bas, c'est charnel. Ça n'a rien de faire. Vous allez pour acheter. Pour nous, les enfants, ne disent que c'est la salle de tous les pays. C'est un dimanche, il y a un pasteur qui vous l'a dit. Vous allez J'ai dit c'est faux. Alors vous allez à ma paix. Vous allez non. Pour le vite. C'est lui qui m'avait réservé la place, a fermé la porte. Vous allez dire, vous n'allez pas venir prêcher ici. Vous êtes un danger. Vous allez dire, nous pensions que vous étiez l'un de nous. J'ai dit, mais je suis toujours l'un de vous. Alors je vais répéter ce que disait Frère Brenna. Vous allez commander pour le vin. À ce frère pentecôtiste là. Si vous tracez un cercle dans lequel vous m'exprimez. Moi je tracerai un cercle dans lequel moi je vais vous mettre dedans. Vous êtes mes frères. Et la vérité doit être dite. Vous voulez le vin. Oh non, ça c'est trop salé, c'est piment. Là, là, moi, je n'ai pas de piment ici. Moi, mais vous parlez directement pour ça. Vous allez pour le moko, vous. Donc, les problèmes, c'est parce que j'ai parlé directement. Quand vous allez continuer à l'obéir dans le moko. Ok. J'ai dit, allô-bé. Si vous fermez une porte, Dieu ouvrira les portes à l'époque. Et c'est ce qui est arrivé. L'homme a dit dans une église des tonnerristes. Le plus grand tonneliste de la marque est à sa chair. Maintenant, quand j'ai prêché là-bas, les autres vous voyez, tout ce qui est là, il a donné la chair. Donc, lui-même est un grand tonneliste. J'ai dit, dites tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Je prêche la parole librement. Quand tout l'occasion est donnée, vous prêchez la parole. Mais vous avez fermé vos portes. Pourquoi voulez-vous en prendre? Vous êtes jaloux? Après, ils ont coupé la communication. J'ai dit, bon frère, vous devez donner la paix. Frère Franck nous montre que c'est lui qui ne peut se souvenir ni du jour, ni de la teneur de son appel. Il n'a pas reçu de ministère. Ils ont dit, non, jamais, Frère Franck ne m'a dit pas. Ne dis pas. Attendez. J'ai ouvert. À Fongoli. Il si vous voulez, je vous envoie ça par écrit. Pas verbalement, pas verbalement. Je laisse ça par écrit avec prière. Depuis que j'ai envoyé ça, c'est le silence des cimetières. Et ils ont dit que frère Franck ne pouvait jamais dire ça. Je vais vous montrer la preuve de fil à aiguille que frère Franck a dit ça. Et je sortis d'autres écrits de frère Franck. Maintenant, il ne savait pas. Est-ce que son frère est venu nous infiltrer ou c'est quoi? C'est eux qui étaient censés connaître le frère Franck mieux que moi. Mais nous avons démontré que ce qu'enseigne le Franck, nous maîtrisons parfaitement. Nous avons l'avantage de lire Franck et Branham. Et surtout la Bible. Silence des cimetières jusqu'à présent. Alors en 2013, on s'est croisé ici Kotomoko, au stade. Vous savez que ton frère n'a même pas eu le courage de me saluer. Vous étiez au stade où frère Franck venait prêcher. Dans les marches là. Voilà. Mes chers amis, que Dieu vous aide. Pour prêcher, il faut un appel. Quand il n'y a pas d'appel, vous n'avez pas de place à la chaîne. Ça c'est dit. Et c'est vrai. C'est notre message qui a fait ça. Vous aimez dire amen? Vous aimez la vérité? Vous n'allez pas vous complexer pour dire, oh non, Jésus a dit, ne juge pas. Oui, il est écrit, ne juge pas, mais il est aussi écrit, prenez les deux, et soyez équilibrés. Il est écrit, éprouvez les esprits. C'est vrai? Ne touchez pas à la maison, oui. Mais nous devons d'abord les éprouver pour savoir si ce sont les joies de Dieu ou non. Parce que ça aussi, c'est des mots sont ouais. Ça, mais dis-toi, amen. Toi, tu veux qu'on te reconnaisse, comment on voit des vies. On éprouve d'abord cet esprit. Est-ce qu'il est de Dieu? Oui. Il est de Dieu, d'accord. Oh, le tableau est presque plein. On ne peut pas continuer à lire encore, non? N'est-ce pas? Je viens de voir là que c'est beaucoup de passages. Je voulais encore donner. Je vis là, c'est beaucoup de choses. Ça peut suffire comme ça pour aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est notre maison, non? C'est notre maison. On a dit ça. Comment éprouver? Ne soyez pas complexes, mais je vais le dire en passant. Dans Romains 14, il est dit, qui est toi pour juger le serviteur? Que le tombe ou qui se lève, cela ne te regarde pas, ça regarde son maître. Alors quelqu'un prend ça. Non, frère. Le même Dieu qui a écrit ça. Là, moi, comment va, comme et le même qui a dit, éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont des dieux. Avant de donner à cet esprit le respect qui est dû aux voix de Dieu, aux serviteurs de Dieu, nous devons d'abord l'éprouver. C'est la parole. Amen. L'homme spirituel, il jette de tout. Amen. Et il n'est même jugé par personne. Amen. Si nous sommes spirituels, nous devons la faire. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Et preuve pour ça. Mais parole n'est pas le basuka. Amen. Tout le monde a dit que tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un parole. Parole sur parole. Rien que ça. Amen. Alors, nous n'allons pas ajouter des choses, fabriquer des critères nous-mêmes. Et puis on m'a dit qu'utiliser des critères fabriqués par nous pour juger les gens. Parce que la folie, la parole est suffisante. Amen. Amen. que la parole tranche. Vous avez ça, ça. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Comment y aura-t-il des prédicateurs ici? Si toi tu as envoyé, dis-nous quand et où le Seigneur t'a envoyé. Ces choses-là se sont passées où? Parce que quand j'ai baptisé, la Bible dit que ces choses se passaient au Jourdain. Et quand le Seigneur a envoyé les disciples chercher là, ils trouvèrent les choses là où il les avait indiquées. Comme il avait dit. Et le lieu et la géographie et tout, et ça y est dans la parole. Êtes-vous là? Le ministère est un don qui dépend d'un appel. Répétons. Le ministère est un don qui dépend. Le Branham dit ça dans le sermon. L'influence de notre paragraphe 72. Paragraphe 70. Mais jeudi, nous avons retenu le paragraphe 70. De quelle prédication? Christ identifié dans tous les âges. Ça disait quoi? Quelqu'un peut nous rappeler? C'était pour juger l'exhortation au service d'adoration. Ça disait quoi? Paragraphe 70. Personne. De mon côté. Même si une sœur connaît, elle peut répondre, là elle répond à la question. Elle ne prend pas l'autorité sur l'église. Répondre à la question. Quelqu'un? Vous avez oublié déjà. Oui, essaye frère. Ah, il n'a pas répété fidèlement. Il a utilisé certains mots dedans, mais il a mis aussi ses propres mots. Ce qui fait que ce n'est pas l'exacte vérité. Il a dit quelques vérités, mais pas l'exacte vérité. Ne craignez pas vous autres, hein. Si toi tu veux essayer, c'est ici. Paragraphe 70. Christ identifié dans tous les âges. Christ, et mon ami l'a vu le connaître. Ah, paragraphe 70, j'ai dit. Vérité, 70, paragraphe 70. Matière aussi, pas seulement la référence, mais aussi la matière. Ce qui est dit dedans. Vous l'avez ici? Vous en avez là. Vous voyez quand même? Quelqu'un peut lire, même, je vous aide. Quelqu'un pour lire. Oui, Fred. Amen. Vous vous rappelez hein, que vous avez entendu ça jeudi. Amen. Et que ce n'était pas la première fois du haut de cette chair ici. Et que vous suffisez pas non. Un deuxième frère pour lire. Un deuxième. Quelqu'un d'autre. Pour lire la même chose. Il faut retenir la parole. Un deuxième frère pour lire. Oui, toi tu n'avais pas bien essayé. Lis maintenant, frère ami. Avant d'être agenouillé, le sable sacré, là derrière, dans la présence de cette colonne de feu, et d'avoir entendu la voix de Dieu nous parler. Donc, si quelqu'un n'est pas passé par là, il n'a pas les droits de prêcher. Je le soutiens le matin 24-45. Oui, c'est pas notre problème. La parole ici. Il n'a pas le droit de prêcher. Il dit amen. Nous ne voulons pas soutenir la parole, mais nous voulons soutenir les chrétiens. C'est mon ami, après tout, je ne veux pas le prêcher. Il est dans les faux. Pour prêcher l'évangile, il faut avoir entendu la voix de Dieu vous parler. Vous confiez à le ministère. Hein? Et on a dit au paragraphe 72 de l'influence. Les hommes d'affaires devraient témoigner. Mais ils ne comprennent pas l'approche. Le témoignage, c'est être témoin. Le témoin ne peut pas être ministre. Nous allons nous faire un ministère. Tu as passé toutes les étapes, tu es déjà devenu ministre. Il doit être d'abord témoin. De la résurrection de Jésus. Et pour être témoin, il faut le baptême du Saint-Esprit. Hein? Amen. Ensuite, il doit avoir été appelé. L'appel. L'appel de Dieu. Il doit lui dire où et quand. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Pour le ministère et le travail. La suite viendra. Maintenant, on doit voir quand il apporte, quand il prêche, il apporte quoi. Et Branham nous a dit, s'il apporte autre chose que la parole, il apporte autre chose que la parole, il n'est pas venu de Dieu. Tout ça, des épreuves, mais toute voix qui vous parle n'est pas forcément de Dieu. Le prophète nous dit que quand une voix vous parle, observez les Écritures. Si c'est concret à la parole, laissez tomber. Même si cela est clairement exprimé, laissez tomber. Elle doit être conforme à la parole. Ok. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous mettons la virgule là. On n'est pas sur le chercher les tableaux. Donc les autres choses, on pourra y revenir encore. Dieu voulant, pour bien assimiler ce qu'il est. Être capable de l'appliquer. Être armé correctement. Tenez-nous debout pour la prière. Lève mon chemin, ta parole, c'est le feu. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Ta parole, c'est le feu. Ta parole. Ta parole, c'est le feu, ta parole, seul, allez sur mes pas, je te mets pas. Ton message, c'est le feu, mon réveilleux, ton message. Bye. prions chacun. D'accord avec l'évangile que nous avons entendu. Et Dieu ajoute à chacun de nous des capacités. De nouvelles capacités dans la marche avec Dieu. Une forte fille dans la lutte contre les esprits méchants. Te donne le contrôle de toutes les portes de l'ennemi. Contrôle d'accès partout. En tant que fils d'Abraham, que tu contrôles partout. Et que tu te souviennes que ton ennemi est mort. Dieu l'a dit dans la parole, nous pouvons bénéficier. Que la foi se réveille. Que fasse le travail que Dieu attendait dans les affaires du Père Céleste. Prions vraiment chacun. L'amour de Dieu est allé si grand que l'angle aux plumes ne peut les dire, il va plus loin que la plus haute étoile, il atteint le plus bas enfer au coupable. Chantons les phases, mon Dieu te donne son fils, pour peindre il réconcilia, ton fils est là, puis pardonnant. L'amour de Dieu, notre Père Céleste. Dieu t'amour parfait. Nous t'adorons de tout cœur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous aimons ton Saint-Esprit. Ta manière de conduire les affaires. Il le fait tout à merveille. Maintenant que tu nous as parlé, tu as exaucé nos prières. Tu as entendu notre voix. Tu es venu à notre secours. Tu as édifié notre foi. Tu as nourri nos âmes. Tu as béni ces âmes. Tu as fortifié les uns les autres. Tu as guéri les maladies. Ta puissance a opéré ici. Tu as donné la joie et la liberté. Les démons ont fui cet endroit. Que ton nom soit béni éternellement. Toi qui vis et qui règnes. Toi le propriétaire de l'univers. Louange à toi pour l'éternel. Ouvre les yeux des croyants pour que je ne sois pas encore. Nous n'étions pas venus parler de l'État ici. Mais nous sommes venus expérimenter. Et ça vient de se passer. Et ça continue à se passer. Le surnaturel fait quelque chose. Et est en train de récupérer quelqu'un. Qui ne saisissait pas. Qui ne saisissait maintenant. Et que tu fasses de lui un témoin de quelque chose. Dieu vivant. Gloire et louange à toi. Tu résous différents problèmes. Rien n'est impossible à toi. Même ce qui se cache au dedans des humains. Les esprits enfouis dedans. Tu as le pouvoir de les toucher. Y accéder. Nous nous offrons à toi. Pour que tu résolves tous les problèmes du péché. Tous les problèmes qui traînent, nous te prions de les résoudre pour nous. Au nom de Jésus-Christ, que notre foi soit vue par toi. L'endurance et la persévérance. Prends bonne note, Jésus. Et agis en conséquence. Honore la foi de chacun. Sors-nous de tous les ennuis. À chaque épreuve qu'il y a un début, aura une fin. Laisse que ta consolation rassure nos pensées et que ta bénédiction élève nos esprits. Nous nous voulons nous cacher sous le sang de Jésus. C'est le grand bouclier contre la méchanceté des démons. Donne-nous le discernement, les capacités correctes pour juger. Vous voulez prouver tout esprit et chasser les démons. Nous comptons sur toi et nous savons que tu existes. Et que tu es le rémunérateur de ce que tu cherches. Gloire et louange à toi, Seigneur. L'éternité, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu vivant. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et là, que Dieu vous bénisse. Nous aimons son nom. Nous avons des salutations de notre sœur Jeanne Ilunga. Ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des salutations qui nous parviennent par notre frère Aaron Mavambo. Il y a les remerciements. Ngaï sœur Adèle Ntumba, Napisi Melesi. Il y a également une note ici. Il y a quelqu'un a mis dans le panier des offrandes, certainement par mégarde, un billet que vous voyez là. Je crois que tout le monde peut voir un billet, un morceau de billet de 5 francs. Donc, qui a perdu sa valeur. Oui, donc, c'est probablement par mégarde. Oui, nous juste attirer l'attention oui. à ce que nous donnons à l'Église. Oui. C'est à Dieu que nous venons donner. Il ne faut pas donner des choses comme ça. Comme si c'est dans l'inconscience. Oui. Donc, c'était pendant le culte de la semaine qu'il y a eu cet incident. Oui. À moins que quelqu'un d'autre vienne envoyé par Satan pour tenter l'esprit de Dieu. Non, nous ne nous plaignons pas, nous faisons seulement la remarque. Qu'on ne donne pas à Dieu de billets de chute. Nous donnons à Dieu le meilleur que nous avons. Il y a un rappel pour le lavage des chaises. Tout à l'heure, après le culte, comme annoncé dimanche passé, il s'est rappelé au culte de mercredi. Ma soeur célibataire est mariée, maman est jeune, s'apprête à nettoyer les chaises sur lesquelles nous nous appuyons pour pouvoir adorer Dieu sur le culte, la prédication de l'évangile. Yeah.